Bonjour François Morel. Bonjour, je profiterai de mon papier du jour pour répondre à mon courrier nombreux, riche et extrêmement hétéroclite. Par exemple, Madame Lelay de la Garenne-Colombes m'envoie la lettre suivante. Monsieur Morel, à vous dont les chroniques sont nos petits rayons de soleil du vendredi matin, je voudrais vous poser la question suivante. Mon mari et moi avons un congélateur dans notre résidence principale située à la Garenne-Colombes que nous quittons régulièrement pour aller visiter nos enfants et garder nos petits-enfants qui habitent sur la côte atlantique, non loin des Sables d'Olonne. Et nous aimerions savoir pendant les périodes où notre maison de la Garenne-Colombes reste vide si notre congélateur a bien fonctionné sans interruption et donc sans conséquence pour notre hygiène alimentaire. J'ai adressé un courrier similaire à monsieur François Rollin il y a quelques années du temps où il officiait à France Culture. Et je dois reconnaître que ce monsieur, dont je ne remets pas en cause le talent, n'a jamais pris la peine de répondre à ma question. Je ne doute pas, cher François Morel, que vous saurez réagir avec une autre attitude, vous dont la probité, la grandeur d'âme, l'absence de vulgarité permettent d'élever au plus haut l'esprit du service public. Chère Madame Lelay, je ne jetterai personnellement pas la pierre sur mon chevronné confrère, même si je dois bien admettre qu'une réponse de sa part aurait été bienvenue, d'autant que François a beaucoup de loisirs, passant la plupart de son temps à fumer la pipe et boire des bières aux terrasses de café, où quelquefois il reçoit quelques apprentis humoristes venus des provinces françaises les plus reculées, bafouillant, transpirant, impressionnés de se trouver face au maître de l'humour français et rêvant de tirer leur épingle du jeu dans la jungle luxuriante et encombrée de la rigolade parisienne. Et que, chère Madame Lelay, je suis bien d'accord avec vous, le professeur Rollin, c'est quand même bien vous qui le faites vivre en le suivant fidèlement de France Culture à France Inter, et qu'il n'a pas beaucoup, c'est vrai, la reconnaissance du ventre. Croyez bien, chère Madame Lelay, que je me permets d'appeler Odette, puisque vous avez l'amabilité de me préciser votre prénom, que je ne manquerai pas de lui faire la réflexion quand je le croiserai prochainement dans les couloirs de France Inter d'une manière habile, sans volonté de le froisser, mais en lui disant, comme si de rien n'était, tiens, dis donc, François, Madame Lelay de la Garenne-Colombes, on dirait que tu as oublié son adresse ou quoi. Je sais que François est suffisamment fin pour saisir l'allusion au vol et je ne serais pas autrement surpris si, dans les jours qui viennent, vous receviez une missive signée de sa main vous présentant ses excuses et vous invitant à l'un de ses galas. Ma petite Odette, pour être certain à votre retour de Vendée que votre congélateur de la Garenne-Colombes a bien fonctionné sans interruption, il vous suffit de remplir la moitié d'une bouteille d'eau, de la congeler puis de la retourner afin que l'eau congelée soit en haut. Si, à votre retour, le glaçon est en bas, c'est qu'il a fondu à un moment et donc qu'il y a eu un souci. Il est alors déconseillé de consommer le contenu du congélateur. Je regrette quand même un petit peu que mon ami Rollin n'ait pas eu la courtoisie de vous répondre. Il y a de cela plusieurs années, il vous aurait quand même évité bien des gastro-entérites, des diarrhées, des flatulences, des intoxications alimentaires dont vous vous seriez volontiers passé. J'aurais eu le temps ce matin de répondre au seul courrier d'Odette, et je le regrette, j'aurais voulu renseigner Micheline de Daumont qui voulait savoir dans quelle poubelle, ordure ménagère ou poubelle jaune, elle devait jeter ses tickets de carte de crédit bancaire. Je traiterai prochaine fois la question de Micheline, à moins que François Rollin, finalement bon garçon, voulant se rattraper, n'y réponde préalablement. Bah une autre fois alors, François Morel, quand vous voulez. Merci François. À la réalisation cette semaine, il y avait Hélène Langlois et Loïc Frapsos. Merci à eux.